mon swag, tiens les deux bouts. Fier d'en à deux avec mes faces, mes gros joues. Moi je reste debout, même si l'état pousse à bout. Je suis à deux doigts de finir fou, comme ces gens sans tabou. On s'enchaîne, sans menottes aux mains. L'amour à pas égal dans les clubs libertins. Quota, raciste, DSK libertin. À mes yeux ta république c'est Amochi, telle une femme sans compte-un. Ce qu'on fait est simple, mon frère réfléchit. Ce qu'on fait est fort, loyal et endurci. Quand l'épreuve se durcit, je reste lucide comme le groupe à la rue. Dites au président que je fais pas partie du peuple docile. Et si l'amour me la mettait à l'envers, je dirais sec, va niquer ta mère. Les solutions à nos problèmes s'annoncent précaires. Je sais d'où je viens, prends tes racines près de ton père. Et si l'amour me la mettait à l'envers, je dirais sec, va niquer ta mère. Les solutions à nos problèmes s'annoncent précaires. Je sais d'où je viens, prends tes racines. Les tentations poursuivent avec une calache à la main. J'aimerais partir prier en tête avec le tapis d'Aladin. J'ai un cœur de pierre mis dans la rue. J'ai perdu mon père, m'appelle plus fils. Radin, car t'en veux toujours plus. J'aime pas l'amour, y'a que ma carte SIM que j'appelle ma puce. J'garde la foi, j'garde le cœur. Les deux à la fois, frère, ça me fait peur. Et je suis là, j'ai pas encore succombé. Je devrais être un détenu tellement leur croche pas de m'en fait tomber. Je suis un homme courageux dans ce monde rageux. Je suis un homme courageux dans ce monde rageux. Et si l'amour me la mettait à l'envers, je dirais sec, va niquer ta mère. Les solutions à nos problèmes s'annoncent précaires. Je sais d'où je viens, prends tes racines près de ton père. Et si l'amour me la mettait à l'envers, je dirais sec, va niquer ta mère. Les solutions à nos problèmes s'annoncent précaires. Je sais d'où je viens, prends tes racines près de ton père. Radin, car t'en veux toujours plus. J'aime pas l'amour, y'a que ma carte SIM que j'appelle ma puce. J'garde la foi, j'garde le cœur. Les deux à la fois, frère, ça me fait peur. Ce qu'on fait est simple, mon frère réfléchit. Ce qu'on fait est fort, loyal et endurci. Quota, raciste, DSK, libertin. À mes yeux, ta république c'est Amochi, telle une femme sans fond de teint.